être seul au milieu des passants, mourir de soif au milieu de l'océan. Plein d'images dans ma tête, pressée d'aller nulle part, plein de misère de partout, plein de misère. Je colle les morceaux avec du feu dans la peau. Au bout de la rue, je vois chercher l'horizon. Malgré tout, malgré le temps qui ment, le temps qui dit vrai. Malgré tout, jour après jour et malgré tout, rester debout. Trop tard, à moins de décider. La route est longue, j'en ai les poings fermés. La grille ouverte, j'ai pu où aller. J'aurais pu, j'aurais dû, qui vienne me hanter. Dans le fil de la vie, je veux m'y retrouver. Les yeux ouverts, un premier pas, un peu de lumière. Malgré le temps qui ment, le temps qui dit vrai. Malgré tout, jour après jour et malgré tout, rester debout. Je laisserai pas le torrent dormir dans les temps. Je laisserai pas les heures dans l'enclos de la peur. Je laisserai pas mes pleurs pour un bonheur tranquille. Au bout de la rue, je vais chercher, chercher, chercher. Restez debout, restez debout, restez debout.